Ah. C'est quoi ce bruit? C'est une blague. Test, test, test, test. Test, test. Ouais. Allô? M'entends ou pas? Ça marche mieux. Allô? Ouais, non, il y a toujours de la latence. Mais en plus, là, je m'entends avec des crépitements, je comprends rien du tout. Test. Ok. C'est un peu mieux. Ouais, je t'entends, je t'entends. Quand je parle, vous entendez pas des espèces de crépitements par-dessus? Si, si. Ah, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Configuration. Je reviens. Ok, je vois ce que c'est.